Hey, hey. Hello, it's certain I can avoid. I've been sitting on the other side. We'll be ready to get my heart. What you say to me, I can find. And let me say on the night, we're the seeker of life. We're je laisse toutes les pistes pour retrouver des paroles. Je suis sûr que tu peux écrire ce qui te ressent dans ton corps. Allez, va chercher au fond de tes entrailles. Et devant moi, un poster de Monsieur Marshall. Est-ce que tu sais qu'un jour j'ai rencontré Monsieur Marshall à Paris? J'ai pris une photo avec lui, et malheureusement mon frère s'est raté, et la photo est pourrie. J'avais le choix entre une photo ou un poster dédicacé. Et mon frère Frédéric a eu la bonne idée de faire dédicacer son poster. Et moi je me suis fait avoir. Et merde. Pas les paroles. Attends, je vais relancer. Je relance. 1, 2, 3, 4. Attention. 1, 2, 3, 4. Thank you. can say how they wanna say how the we get somewhere to find a home. Anyone can feel the pas de paroles, il faudrait des vraies paroles. Faudrait... J'ai fait n'importe quoi. T'enlèveras les paroles. Enlève le chant, c'est nul. Alors faut écrire des paroles. Tu écris ce qui se passe dans ta tête et tu m'envoies message. Après ce sera ta chanson 100% Titi. Allez, allez. Ah merde, si c'est le même canal, ça va pas le faire. Attention, je cherche. Un ordinateur tellement pourri. Attends, j'ai un problème. Essaye de trouver des paroles, mais il y a tellement de trucs.